Exercice 8, page 88. Virelangue. Un insecte incertain ne sert à rien. Un insecte incertain ne sert à rien. Un insecte incertain ne sert à rien.